Les affaires étrangères par Jules Lévy. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Personnage. Raoul Bardouin, célibataire et rentier, 35 ans. Lu par Rémi. Octave Daubrin, journaliste amateur, 32 ans, lu par Casbeck. Irène Frémichel, 25 ans, lu par Cocotte. Mathilde Soyard, 28 ans, lu par Christiane Johan. Christine, bonne de Raoul, 40 ans, lu par Sonia. Indication scénique, lu par Pierre. Les affaires étrangères. Un petit salon chez Raoul à Origny, Aube, ameublement simple et de bon goût. Chaises, fauteuils, petite table. À droite, derrière la table, une selle avec le buste de Platon. Au premier plan, un vaste canapé avec un paravent et un phénix sur un pied. Au fond, porte de milieu donnant sur une terrasse avec vue sur un jardin. Au fond, à gauche, une fenêtre. Entre la porte et la fenêtre, un petit meuble avec le buste de Minerve. Au premier plan de gauche, porte conduisant à la chambre à coucher de Raoul. Au premier plan de droite, porte conduisant à la salle à manger. Scène première. Christine, puis Raoul. Christine, avec des journaux et des lettres à la main. Monsieur, monsieur! Raoul, de sa chambre. Je n'y suis pas. Ça n'est que moi, monsieur. Vous me jurez que vous êtes toute seule? Christine, après avoir posé les journaux et les lettres sur le guéridon, crash par terre, lève la main droite en l'air et dit « Je le jure !»« Alors je puis me risquer. » Il entre en chantant. Il a un petit complet d'intérieur assez coquet. « Salut, demeure chaste et pure. Salut, demeure chaste. Alors, pourquoi beuglez-vous comme ça ?»« Ah, monsieur, si l'on peut dire !» Je ne beugle pas, monsieur. Je vous appelle parce que j'ai besoin de vous parler. Écoutez, ma bonne Christine, si je suis venu habiter ce pays totalement ignoré, c'est que je recherchais le calme le plus absolu. Je vous engage donc à mettre une sourdine à votre timbre, qui est beaucoup trop élevée pour mes moyens. C'est bien, monsieur. Je mettrai ce que vous dites. Avec tout ça, j'ignore encore la raison qui vous a fait vous égosiller. Pourquoi avez-vous crié « Monsieur, monsieur » ? C'est parce que les lettres et les journaux de monsieur viennent d'arriver. Fallait donc le dire plus tôt. Prenant un journal. Voyons, vais-je avoir enfin la tranquillité? Il parcourt le journal tout en chantant. Liberté chérie, seul bien de la vie. Non, le ministère est comme le veau d'or, il est toujours debout. Ah ça, qu'est-ce qu'ils font nos députés, je vous le demande. Je n'en sais rien, moi, monsieur. Voilà 6 semaines que ce ministère dure et ils n'ont pas trouvé le moyen de le renverser. Avec leurs 25 francs quotidiens, ils ne peuvent pas m'être agréables. C'est dégoûtant. Monsieur n'a pas l'air de vouloir sortir aujourd'hui. S'il vient du monde, qu'est-ce qu'il faudra que je dise? Je n'y suis pour personne. Pour personne, vous m'entendez? Excepté pour mon ami Octave Daubrin. Voilà, monsieur, que je ne connais pas. C'est un très gentil garçon. Il vous remettra sa carte. Avec son nom dessus? Bien entendu. Et s'il vient des dames? Ah non, non, zut! Je n'y suis pas. Pas de femme, pas de femme. En somme. Allez voir ce que c'est. Si c'est Daubrin, annoncez-le. Si c'est une autre personne, impitoyablement flanquez-la à la porte. Dites que je viens de prendre l'express pour Madagascar. Bien, monsieur. Elle sort. Scène deuxième. Raoul seul, puis Christine. Non, non, on n'a pas idée d'une existence pareille. C'est à devenir fou, ma parole d'honneur. N'avoir qu'un cousin et l'avoir ministre des Affaires étrangères. Si au moins nous n'avions pas le même nom patronymique. Mais voilà le chien dent, je m'appelle Bardouin, il s'appelle Bardouin. S'approchant de la table. Tous ces gens qui m'écrivent s'imaginent que je vais prendre connaissance de leur correspondance. S'ils se sont mis ça dans le toupet, ils se fourrent joliment le doigt dans l'œil. Ces lettres iront rejoindre les courriers précédents. Flûte, je ne les lirai pas. Déployant un journal. Voyons au moins s'il n'y a pas une bonne interpellation en perspective. Ah bon, monsieur, ce n'est plus une place tenable ici. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Ils étaient trois qui voulaient absolument vous voir. Il y avait deux dames et un homme. Qu'est-ce qu'ils voulaient ? J'en sais rien. Il y avait Madame Brabançon, la femme du notaire. En voilà une qui est cramponnante. Madame Tardieu, la femme de l'épicier. Celle qui a un fils dans les postes ? Tout juste. Et puis le père Mollard, le conseiller municipal. Vous les avez tous envoyés à la balançoire ? Non, je leur ai dit d'aller vous chercher à Madagascar. Ils veulent pas y aller. Ils disent comme ça qu'ils reviendront tantôt pour savoir si vous êtes revenu. Quelle existence, bon Dieu ! J'ai bien envie d'aller y passer réellement une quinzaine à Madagascar, en attendant la chute du ministère. On sonne. Laissez sonner. Mais si c'était votre ami ? Christine, vous pensez à tout. C'est bien. Si c'est lui, introduisez-le. Mais vous savez, pour les autres, Madagascar. J'ai compris, monsieur. Je suis pas une bête. C'est vous-même qui l'avez dit. Elle sort. Scène troisième. Raoul, puis Christine, puis Octave. Brave fille, au fond, cette Christine, et très dévouée. C'est encore quelqu'un qui doit avoir besoin de ma protection, de ma haute influence. Oh, fatale parenté, fatale parenté. Christine, criant du dehors. Monsieur, monsieur ! Qu'a-t-elle à rebugler ? Christine entre. Eh bien, quoi ? Est-ce que le feu est à la maison ? Non, monsieur, c'est votre ami, monsieur Daubrun. V'là sa carte avec son nom dessus. Elle remet une carte à Raoul. Octave, qu'il entre et laissez-nous. Christine remontant sur la terrasse. Entrez, monsieur. Monsieur vous attend. Octave entre et Christine sort. Octave ! Mon vieux Raoul ! Ce cher Octave ! Il se serre les mains. C'est moi qui ai été épaté quand j'ai reçu ton mot. Je t'ignorais dans nos parages. J'habite Origny depuis un an. Voyons, assieds-toi, mets-toi à ton aise. Je suis enchanté de te revoir. Et moi donc ? As-tu besoin de quelque chose ? Veux-tu te rafraîchir ? Non, merci. Je ne prends jamais rien entre mes repas. Pour un journaliste, c'est bien extraordinaire. Tu sais donc que je fais du journalisme ? Tu devais finir comme ça. Je te lis trois fois la semaine. Je déguste la trompette nogentaise avec amour. Et si je t'ai prié de venir me trouver, c'est que je compte sur ton influence. Oh, oh, mon influence ! Inutile de faire le modeste. Cela ne va pas à ton genre de beauté. Je sais ce que je dis. Tu peux beaucoup pour moi. Je ne vois pas comment. Je vais t'expliquer la chose le plus rapidement possible. Sais-tu que voilà une belle pièce de 7 ans que nous ne nous sommes vus ? Oh, mon vieux, si nous nous mettons à remuer les cendres du passé, nous n'aurons jamais le temps de parler du présent, et c'est urgent. Comme il te plaira. D'abord, avant d'entamer mon affaire, je te préviens que je te garde à déjeuner. En venant ici, j'avais la ferme intention de m'inviter. Alors tout va pour le mieux. Or, voici ce que j'attends de toi. Il faut que dans les 48 heures, tu trouves le moyen de renverser le ministère. Octave, bondissant. Hein ? Quoi ? Tu es fou ? Ne bondis pas, mon ami, ne bondis pas. Tu as devant les yeux l'homme le plus malheureux de France et de Navarre. Qu'est-ce que tu me chantes là ? Tu es malheureux ? Tu as des peines ? Énorme. Je suis trop influent. Je ne saisis pas. Tu vas me comprendre. Le ciel ne m'a donné qu'un cousin, un seul. Et cet animal-là s'est avisé de faire de la politique. Il est aujourd'hui... Comment ? Tu es le cousin de Charles Bardouin, le ministre des Affaires étrangères ? Oui, mon pauvre vieux. Mais alors, tu peux me rendre un grand service. Ah non, je t'en prie. Si tu le prends sur ce ton-là, je te fiche à la porte. Cependant, si tu es bien avec ton cousin, tu dois pouvoir beaucoup de choses. De trop, mon cher, de trop, c'en est dégoûtant. Je suis l'homme qui ne rêve qu'une chose, la tranquillité la plus complète, et je ne puis la voir. Ah, qu'il est doux de ne rien faire. Je n'ai jamais été l'homme de la haute noce, tu te souviens bien qu'autrefois à Paris. Souvenir du jeune âge. Ah, ah, tu reviens de toi-même sur le passé. C'est sans le faire exprès. Je suis l'homme calme par excellence. Les passions, les aventures, ça n'a jamais été mon affaire. Ce qui t'a permis de prendre un certain bon point. Dont je suis fier, j'ose l'avouer. Tu vis seul ici ? Tout seul. Montrant le buste. Avec Platon. Tu n'as jamais amené une petite femme ? Ah, mon ami, je suis très calme de ce côté-là. J'ai une petite camarade qui est modiste à nos gens. Je vais la voir une fois par semaine, le dimanche, et cela suffit à mon bonheur. Mazette, tu n'es pas exigeant. Quant à moi, c'est tout le contraire. Des femmes, mon ami, des femmes. Il m'en faut, j'en veux, j'en demande. Gourmand, moi j'en ai trop. Avec une seule ? Tu parles tout le temps, mon vieux, je ne pourrai jamais te mettre au courant. Vas-y. À première vue, ça ne se voit pas, mais depuis 6 semaines, je suis ce que l'on peut appeler un homme aimé des femmes. Vénard. Tais-toi, je dois cela à mon influence politique. Je n'en ai jamais fait, moi, de la politique, mais Charles, mon cousin... Ah, du jour au lendemain, il s'est découvert des aptitudes législatives. Voilà mon Bardouin député. À la chambre, il ne parlait jamais. Si, il interrompait. D'une façon insignifiante. Pardon. Un jour, il a dit au ministre de l'Agriculture « Monsieur, vous êtes une poire !» Il n'en fallait pas plus pour le rendre célèbre. Ce jour-là, il a perdu une belle occasion de se taire. Le président du conseil actuel, Michaud, a la mémoire fidèle, car lors de la formation du dernier cabinet, comme il n'arrivait que difficilement à le composer et qu'il avait essuyé 7 refus successifs pour le portefeuille des affaires étrangères, il a eu la fâcheuse idée de l'offrir à Charles Bardouin, qui s'en est vivement emparé, sans songer, le misérable, qu'en acceptant cette situation, il allait faire mon malheur. En quoi cela peut-il faire ton malheur ? Je te l'ai dit, mon vieux, je suis l'homme calme, l'homme auquel les émotions sont funestes. Or, depuis 6 semaines, j'ai maigri de 12 livres. 1 kilo par semaine, ça ne se voit pas. Si je voulais, mon vieux, tout Aurigny serait cocu ce soir. J'avoue que je ne m'en sentirais pas la force. Ce qui n'empêche que... Toutes les femmes sont à moi. Toutes les femmes sont à moi. Mais c'est le rêve, ça, mon vieux. La femme mariée. Pour ceux qui aiment ça, moi je me contente d'Ernestine. Ernestine, c'est ton petit ordinaire, la petite modiste de nos gens. Tu l'as dit. Figure-toi, mon pauvre Octave, que du matin au soir, mon logis est assailli par les femmes d'Aurigny. On entend sonner. Tiens, tu entends la sonnette ? Oui. C'est une femme qui l'a fait teinter, je ne m'y trompe pas. J'ai l'oreille fine et sensible, il n'y a pas d'erreur. Une femme, une femme, une femme, une femme. Et oui, par Dieu, c'est une femme. Chouette, on va voir de jolies femmes, car il y a de jolies femmes à Aurigny. Tu peux rengainer ton espoir, ma porte est close. Christine a l'ordre formel d'éloigner toutes les visiteuses. Reçois-les pour moi. Ça ne servirait à rien, tu n'es pas assez influent. Et je le suis trop, ma supériorité est trop grande. Tu n'es pas de taille à lutter avec elle. Mais alors, que veux-tu que je fasse ? Une chose bien simple. Renverse le ministère. À moi tout seul, je n'y arriverai jamais. Ils sont trop. C'est simple comme bonjour. Tu n'as qu'à jouer de la trompette nogentaise. Invente un bon petit scandale et le tour sera joué. Tu me demandes une chose impossible. Ne serais-tu qu'un faux ami ? Non, je ne suis pas un faux ami, mon vieux. Non, mais... Ah, sapristi, il me vient une idée. Je savais bien que ce n'était pas en vain que je m'adressais à ton amitié. Je savais bien que tu n'étais pas un imbécile. Merci. La victoire est à nous, la victoire est à nous. Mais je vais te soumettre à une rude épreuve. Tu n'as qu'à parler, je suis prêt à la subir. Je file en nageant et serai de retour dans 3 quarts d'heure. Mais si pendant mon absence il te vient des visites de jolies femmes, il faudra les recevoir. Ce que tu m'ordonnes là est bien horrible. Il le faut cependant, et tu les inviteras à déjeuner. Hein? Parfaitement. Au retour, je te délivrerai de ton cauchemar, et je les prendrai à mon compte. Elles ne voudront jamais. C'est ce que tu verras. Je te donne ma parole que je réussirai. C'est convenu? C'est convenu. Mais ne fais pas durer mon martyre trop longtemps. Le temps d'aller et de revenir. Je vais te faire reconduire. Il sonne. Et donner des ordres à ma domestique. Il faut que je lève la consigne. Parmi tant d'amoureuses, empressées à me plaire. Scène 4e, les mêmes, Christine. Oh, comme monsieur chante bien. Monsieur a sonné? Oui, reconduisez monsieur, et jusqu'à son retour, je suis ici pour les visiteuses. Les jolies femmes seulement. Les jolies femmes? Oui. Vous savez bien reconnaître une jolie femme d'avec une LED? Pardine, c'est pas bien malin. On n'a pas besoin d'avoir été à l'école pour savoir ça. Et ce que M. Bardouin néglige de vous dire, c'est qu'il faudra préparer un excellent déjeuner. Un succulent et copieux déjeuner. Un v'là des manigances. À tout à l'heure. Tu seras content de moi. Seulement pas de blague, hein? Quoi, pas de blague? Tu retiendras le gibier? Tu peux compter sur moi. Octave et Christine sortent. Scène 5e. Raoul, puis Christine, puis Irène. Cet animal d'Octave a toujours été très ingénieux. Il n'a pas changé. Il en pince toujours pour le beau sexe. Je ne pouvais pas mieux tomber qu'en m'adressant à lui. C'est égal. Je ne serai pas fâché de savoir ce qu'il pourra faire pour obtenir un résultat satisfaisant. On sonne. Allons, voilà la procession qui continue. Je n'aurais pas eu longtemps la tranquillité désirée. Viens, gentille dame. Pourvu que la personne qui sonne à la grille soit vieille et laide. Monsieur, monsieur! Criez donc pas comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Madame Frémichel. Madame Frémichel? Oui, la femme du docteur. Elle est jeune? Très jeune. Et jolie? Elle est pas mal. Quel malheur. Faites-la venir. Christine sort. Raoul va recouvrir d'un voile le buste de Platon. Oh, Octave, Octave, dépêche-toi. Entrez, madame. Elle s'efface pour laisser entrer Irène. Irène, après s'être assurée qu'ils sont seuls, vient au-devant de Raoul et lui prend les mains. Oh, mon cher monsieur Bardouin, que vous êtes bon! Donnez-vous la peine de vous asseoir, madame Frémichel. Ne m'appelez pas madame Frémichel, appelez-moi Irène tout court. Appelez-moi Irène et venez vous asseoir à côté de moi. Elle est sur le canapé. Et indique une place à côté d'elle à Raoul, qui, timidement, vient s'y asseoir. Oh oui, vous êtes bon! Non, je ne suis pas si bon que ça. J'ai l'air comme ça, mais je ne suis pas très bon. Oh, si, si! Madame Brabançon est furieuse. Madame Tardieu est désolée parce que ce matin, vous leur avez consigné votre porte. Vous avez bien voulu me permettre d'approcher jusqu'à vous. Vous êtes bon. Elle lui passe les bras autour du cou. Raoul, c'est dégageant. Écoutez, madame. Je préfère que vous m'appeliez Irène. Si cela vous fait énormément plaisir, je le veux bien, je vous appellerai Irène. Oh, que vous êtes bon. Mais non, vous vous trompez. J'en ai l'air, mais je ne le suis pas. Et vous êtes beau! Elle l'enlace à nouveau. Raoul, se relevant vivement. Sapristi, madame! Se reprenant. Sapristi, Irène! Je ne voudrais pas avoir l'air de le faire à la pause avec vous, mais je sais que votre visite n'a qu'un but intéressé. Oh, mon ami, pouvez-vous penser cela ? Je le pense tellement que je vous invite à déjeuner. Vrai ? C'est relevant. Raoul, permettez-moi de vous appeler Raoul. Ça a l'air de vous être agréable. Et comme c'est mon nom, je vous autorise à m'appeler Raoul. Je savais bien, Raoul, que votre cœur n'était pas insensible. Pardonnez-moi, Zirène, il l'est. Il a l'air comme ça, mon cœur, de ne pas l'être, mais il l'est. Vous êtes bien l'homme que j'avais rêvé, depuis le jour où je vous ai vu pour la première fois. La première fois que vous m'avez vu, vous ne m'avez rien dit. Vous avez peut-être pensé dans votre fort intérieur. Je voudrais bien savoir quel est ce beau jeune homme. Mais vous ne m'avez rien dit. Seulement, quand mon cousin Charles Bardouin a été nommé ministre des Affaires étrangères... Oh, vous supposez cela ? Je ne le suppose pas, j'en suis sûr. Eh bien, oui. Je me suis dit, il pourra, grâce à son influence, supprimer le seul obstacle qui doit nous séparer. Il trouvera pour mon mari, dont la clientèle est bien mince à Origny, un poste dans les colonies. Entre ministres, on doit se faire des gracieusetés. Des affaires étrangères aux colonies, il n'y a qu'un pas. Et alors, Alexandre ? Alexandre, c'est votre mari ? Hélas ! Alexandre, dis-je, sera chargé d'une mission quelconque. Il partira loin, bien loin. Je resterai seule avec Raoul, tandis que mon mari continuera à se faire une position dans les colonies. C'est très ingénieux, ça, Zirène. C'est très gentil, mais il y a un empêchement. Taisez-vous ! Vous allez me dire que vous en aimez une autre, et je ne tiens pas à le savoir. Elle tombe sur le canapé, en sanglotant. Vous allez mouiller mon canapé, Zirène, et les larmes tachent. Elles contiennent du chlorure de sodium. Ma petite amie s'appelle Ernestine, elle est dans les modes. Oh, fille, ne me parlez pas d'une telle femme. Ce n'est pas la compagne qu'il vous faut. Pour un homme aussi bien que vous, il faut... Une mission pour votre mari dans les colonies. Raoul, vous me torturez. Elle s'approche de lui. On entend tinter la sonnette. Quel intrus peut venir nous déranger ? C'est peut-être votre mari, Zirène. Non, il sait que je suis ici, il ne viendra pas. Alors, comme vous me restez à déjeuner, faites-moi le plaisir de passer dans ma chambre à coucher. Défaites votre chapeau, enlevez votre manteau, j'irai vous rejoindre dans un moment. Irène, tendant ses bras. Oh, mon Raoul ! Ne vous attendrissez pas, ce n'est pas le moment. Il la conduit à sa chambre à coucher, ferme la porte à double tour et met la clé dans sa poche. Scène sixième. Raoul, puis Christine, puis Mathilde. Elle ne sortira de ma chambre que lorsque ce brave Octave sera de retour. Voilà quelqu'un qui arrive bien à propos. Monsieur, c'est encore une dame. Jeune ? Jeune et jolie. Plus jolie que l'autre ? Aussi jolie. Quel malheur ! C'est Madame Soyard. Madame Soyard ? La femme du pharmacien. Ah ça, la faculté se donne rendez-vous chez moi aujourd'hui. Oui, donc passez l'autre. Cela ne vous regarde pas. Introduisez Madame Soyard. Christine, qui est remontée sur la terrasse. Entrez, madame. Mathilde, dont le visage est couvert d'une voilette. Laissez-nous, Christine. Christine se retire. Raoul, s'inclinant. Madame. Vous devez me trouver bien imprudente, monsieur Bardouin. Non, madame. Donnez-vous la peine de vous asseoir. Mathilde, assise sur le canapé. Nous sommes bien seuls, je puis retirer ma voilette. Vous le pouvez, madame. Et quoi, monsieur Bardouin, vous ne me reconnaissez pas ? J'avoue, madame, que je n'ai pas bien présente à la mémoire. Et moi qui depuis si longtemps m'évertue à vous envoyer de doux sourires, moi qui, assise dans mon tiroir-caisse, ne pense qu'à vous dont l'image me hante jour et nuit. Je vous en prie, madame, n'exagérons pas. Vous doutez de ma parole ? Ah ça, vous n'avez donc pas de cœur ? J'en possède un, madame, d'un modèle très réduit. Sous mon enveloppe épaisse, cela peut paraître invraisemblable. Cela est pourtant. Et ce cœur, ce tout petit cœur de rien du tout, appartient tout entier à Ernestine. Ma rivale. Ma bonne amie, tout simplement. Quelque fille de rien, sans doute. Vous êtes dans l'erreur. Elle est gentille et pas exigeante. Elle n'a pas de sang dans les veines, probablement. C'est une fille du Nord. Elle est de Pont-à-Mousson. C'est une Musipontaine. Moi, je suis de Cahors. Je suis une Cadurcienne. Et lorsqu'on est de Cahors et que l'on aime... Raoul, l'arrêtant du geste. Tout ça, c'est pour en arriver à me demander quelque chose. Ne vous gênez pas, commencez par là. Après, vous pourrez, à loisir, me débiter toutes vos folies. Quoi ? Vous traitez ma passion de folie ? Mettons passion, si vous le voulez bien. Mais dites-moi, quel service vous attendez de moi ? Plus je vous considère, plus je vous trouve beau. Si vous saviez, madame, combien je me le suis déjà entendu dire. Par votre maîtresse. Ernestine me trouve à son goût, je suis son type. Mais il y a un tas d'autres femmes qui, depuis 6 semaines, depuis que j'ai des relations avec les affaires étrangères... Oh, vous avez de la chance d'être le cousin du ministre. Voilà une chance dont je me priverai volontiers. Parlez-moi de votre bureau de tabac. Il va s'asseoir à l'extrême gauche. Mathilde, s'élevant et s'approchant de lui. Il n'est pas question de bureau de tabac. Raoul, la reconduisant à droite. Je vous en prie, madame, causons de loin, gardons chacun nos positions. Ils reviennent s'asseoir à l'extrême gauche. Me voici tout prête à entendre votre requête. Vous êtes si influent. C'est entendu. Mathilde, s'élevant. Et je vous aime tant. Raoul, la faisant asseoir du geste. N'en parlons plus. Vous devriez faire donner les palmes académiques à Ernest. Ernest ? Qui est-ce, Ernest ? C'est Monsieur Soyard, c'est mon mari. Ah, c'est pour faire décerner les palmes à votre mari que vous... Ce n'est pas une bien grande ambition. Depuis longtemps, il ne met que des fleurs à sa boutonnière. Je serais flattée qu'il y eût autre chose. C'est pour moi, uniquement pour moi. Ce n'est pas lui, car certes, lui ne demande rien. Il n'a pas d'ambition, il ne veut rien porter. Vous avez de l'ambition pour lui. Vous tenez à ce qu'il porte quelque chose. Ici, il n'y a que Maître Bouffia, l'avocat, qui soit honoré de cette distinction. Si mon mari avait les palmes, Madame Bouffia en crèverait de jalousie. Et c'est pour faire crever Madame Bouffia que vous venez vous jeter à mon cou. Mathilde s'élevant et se jetant sur lui. C'est parce que vous êtes beau, c'est parce que je t'aime. Hélas, pas tant de précipitation. On sonne. Sapristi, du monde, vous voilà compromise. Je suis au-dessus de la médisance. Je ne sortirai d'ici que lorsque vous m'aurez donné votre parole d'honneur. Raoul, la conduisant à droite. Entrez dans ma salle à manger et n'en bougez pas, je vais éloigner les importuns. Vous pouvez même enlever votre chapeau, je vous garde à déjeuner. Mathilde, disparaissant à droite et lui envoyant des baisers. Oh oui, Raoul, tu es beau et je t'aime. Raoul ferme la porte et met la clé dans sa poche. Scène 7e. Raoul, Christine, puis Octave. Christine, du dehors. Monsieur, monsieur! Quoi? Cette fille-là m'a huri. Christine, entrant. C'est votre ami qui revient. Enfin, ça n'est pas trop tôt. Raoul va découvrir Platon. Octave entre avec 4 journaux sous le bras. Christine, laissez-nous. Christine, qui vient de constater que la porte de la salle à manger est fermée. Il n'y a plus de clé. C'est vrai, et ma chambre est également close. Allez voir sur la route si j'y suis, et ne revenez que dans un quart d'heure. Christine, en sortant par le fond. C'est bon, on y va. Mais monsieur me permettra de lui dire qu'il fait là de drôles de manigances. Scène 8e. Raoul, Octave. Eh bien, ton moyen, la crise ministérielle ? Sois heureux. Tu peux laisser la porte toute grande ouverte. Tout Origny sait que Bardouin n'est plus ministre des Affaires étrangères. Sans blague! Personne ne peut nous entendre? Si, parlons bas. Mais dépêche-toi, tu me fais languir. Et la chasse? Quelle chasse? Je croyais en revenant ici trouver bonne compagnie et... Mon cher, je t'ai mis une paire de poulettes au garde-manger. Octave, lui serrant les mains. Tu es un ange. Je te fais juge de mon coup de Trafalgar. Si tu ne trouves pas assez de machiavélisme là-dedans, c'est que tu ne seras qu'un vulgaire serin. Mets-moi vite au courant de la situation. Je suis arrivé à l'imprimerie au moment où on allait rouler sur la trompette nogentaise. D'un geste, j'ai arrêté les machines. Si tu m'avais vu arrêtant les machines, je te trouvais vraiment beau. Je n'en doute pas. À la hâte, j'ai confectionné un canard sensationnel. Je l'ai fait composer. Il y a eu un tirage spécial de 100 numéros pour Origny. En arrivant ici, je n'ai inondé le pays. Montrant ses journaux. Voilà ce qui me reste. Pendant 48 heures, tu pourras dormir sur tes deux oreilles. Et passé ce laps de temps? Tu te débrouilleras comme tu pourras. J'aurai bénéficié de 48 heures. Dépliant un journal. Dégouste-moi ce morceau. Il lit. Dépêche de la dernière heure. Au moment de mettre sous presse, nous apprenons que M. Charles Bardouin vient de donner sa démission de ministre des Affaires étrangères pour cause d'affaires de famille. Cependant, il n'y aura pas de crise. Le président du conseil a trouvé quelqu'un qui remplacera avantageusement M. Charles Bardouin. Le portefeuille des Affaires étrangères a été offert à M. Landouillard, le député fumiste, qui a immédiatement sauté dessus. Landouillard est un peu le parent de notre excellent rédacteur en chef, M. Octave Daubrin. Sa nomination paraîtra à l'officiel dans 3 ou 4 jours. Nous donnons cette nouvelle sous toute réserve. Il fallait la donner sans réserve. C'eût été trop osé. Cependant, laisse-moi te dire qu'à l'heure qu'il est, tout Origny te méprise. Quel bonheur! Maintenant, ne sois pas ingrat et présente-moi le gibier. Tu jugeras de l'effet. Raoul, lui remettant une clé. Tiens, voici la clé de la porte de la salle à manger. Ouvrons ensemble les souricières. Il se dirige à droite et à gauche. Et, après avoir donné deux tours des clés, ils disent... Entrez, mesdames. Scène 9e. Les mêmes, Irène et Mathilde. Ciel, Madame Soyard! Oh, Madame Frémichel! Entrez, mesdames, vous n'êtes pas de trop. Qu'est-ce que tout cela signifie? C'est une atroce comédie, sans doute. Rassurez-vous, mesdames, nous ne vous ferons pas de mal. Vous aviez l'une et l'autre une requête à m'adresser? J'ai le regret de vous annoncer que je n'ai plus aucune influence. Hein? Il n'y a plus ici qu'un homme influent, c'est mon ami Octave Daubrin, que j'ai l'honneur de vous présenter, mesdames. Octave, je te présente Madame Mathilde Soyard et Madame Zirène Frémichel, deux femmes charmantes. Plus que charmantes. Tu serais bien gentil de faire voir à ces dames ta petite nouvelle sensationnelle. Octave, remettant à chacune d'elles un journal déplié. Prenez connaissance, mesdames, de l'entrefilet publié par la trompette nogentaise. Irène, après avoir lu. Ah, vraiment? Il se pourrait, monsieur... Octave Daubrin. Octave, quel joli nom! Elle lui prend les bras. Alors, monsieur, vous êtes bien avec le nouveau ministre? Nous sommes à tu et à toi. Nous avons fait la noce ensemble. Quelle chance! Vous habitez Nogent-sur-Seine? Oui, madame, au numéro 33 de la rue L'État-Pauvin. J'ai là une petite garçonnière. J'ai toujours rêvé visiter une garçonnière. Je vais vous accompagner jusque chez vous. Raoul, à gauche. C'est adorable. Un instant de repos dans ces vertes campagnes. Je serai de voyage, si vous le permettez, chère madame. Mais comment donc, chère madame? Vous êtes adorable, mesdames. et je ne demande pas mieux que d'accéder à votre désir. Mais avant de partir, nous déjeunerons ici, chez notre bon ami Raoul Bardouin. Ah, pardon, j'oubliais que monsieur était là. Ça ne fait rien, ça ne me gêne pas. Nous irons à Nogent tout de suite après le déjeuner. Madame est pressée. Scène dixième. Les mêmes, Christine. Monsieur, vous n'étiez pas sur la route et mon déjeuner va brûler. Vous pouvez aller mettre quatre couverts. Ces dames et mon ami déjeunent avec moi. Alors, monsieur se met à recevoir. Ne rouspétez pas, s'il vous plaît. Monsieur a dit « ne rouspétez pas ». C'est le déjeuner de la délivrance. Christine en sortant. Bien, bien, j'y vais. Raoul bat à Octave en lui serrant la main. Merci, mon vieux. Très bien, ton truc. Je t'ai sauvé la mise pour 48 heures, mais après... Sois tranquille, j'ai mon moyen. Je vais passer à l'étranger. Je vais choisir un coin bien calme et bien ignoré de la Suisse. Vallon de l'Helvétie. J'y attendrai patiemment la chute du ministère. Irène sur le canapé. Cher monsieur. Mathilde, de même. Monsieur Octave. Octave, qui veut s'asseoir entre les deux femmes. Je suis tout à vous, mesdames. Vous vous occuperez de moi? Certainement. Vous ne me négligerez pas. Mais comment donc? Raoul, tout seul à gauche. Enfin, me voilà donc étranger aux affaires. Ah, qu'il est doux de ne rien faire. Rideau. Fin de la pièce Les affaires étrangères par Jules Lévy.